Le baron Stromboli par José Moselli. Introduction. Le baron Stromboli existe, à quoi bon le dire? Qui n'a entendu parler de lui? Ses aventures, ses exploits au cours desquels il a berné toutes les polices du monde sont dans toutes les mémoires. Cependant, rares sont les privilégiés qui ont pu approcher ce gentilhomme. Pour moi, ce fut à bord d'un paquebot entre Marseille et Alexandrie que j'eus la bonne fortune d'être présenté au baron. Mince et élancé, un monocle à son œil noir, la moustache frisée sur de lèvres rouges et souriantes, le baron me fit, comme à tous nos compagnons de voyage, une impression inoubliable. Il voyageait alors sous le nom de Carlo Alberto, et grâce à lui, la traversée nous sembla invraisemblablement courte. Causeur, aussi savant que spirituel, sachant se taire à propos et perdre au jeu avec bonne grâce, le pseudo Carlo Alberto sut plaire aux hommes et se faire agréer des femmes. Dans le détroit de Messine, la tempête assaillit notre paquebot. Une vague malencontreuse enleva, au plus fort de l'ouragan, un malheureux émigrant. Le baron n'hésita pas à plonger à son secours, bien que le vent violent, la mer en furie et la nuit proche rendissent cette tentative plus que périlleuse. Nageur extraordinaire, le baron Stromboli sauva son homme. Remonté à bord, il nous charmait une heure plus tard en nous chantant d'une voix chaude et prenante une langoureuse romance de sa composition. Dans la soirée, nous apprîmes qu'il avait été porté 500 francs à l'émigrant sauvé par lui, aussi généreux que brave. À Marseille, le baron débarqua, emportant avec lui l'admiration et l'amitié de tous ses compagnons de voyage. Il emportait en même temps la valise de M. Constantin Mavrakopoulos d'Athènes, contenant près d'un million de francs en titres excellents et facilement négociables. Je dois ajouter que 8 jours plus tard, M. Mavrakopoulos recevait sa valise, soigneusement empaquetée, accompagnée d'un mot fort aimable, signé Baron César Stromboli, lui donnant l'adresse de la Banque de Londres où ses titres avaient été vendus. Depuis, j'ai eu, dans différentes circonstances, le plaisir toujours nouveau de revoir le Baron César. Ce galant homme voulut bien m'accorder sa confiance. Il ne me cacha pas que, comme Panurge, il avait 32 manières, et quelques autres, de se procurer de l'argent. Mais, m'affirma-t-il, c'est toujours avec élégance.